L'équipe espère que la communauté apportera de nouvelles idées qui le feront progresser. Une approche également adoptée par Aldebaran Robotics pour son robot émotionnel Pépère. Le succès du Jibo est fulgurant, il n'aura fallu que 6 jours pour que le projet ne dépasse la barre du million de dollars. Les précommandes seront livrées à partir de décembre 2015. À ce jour, le projet en est à 1,2 M dollars récoltés. La start-up a fait la promesse d'améliorer de manière significative la plateforme Jibo si la barre des 2 millions de dollars est atteinte. Le robot une nature d'esclave, pas si sûr? À bientôt, grosse bise numérique. Source, http://www.humanoid.fr/catégorie/robot de compagnie/